marche lancée. Sous les arbres, la guerre est sacrée. Chaque visage, chaque nom écrit l'histoire dans le bastion. Terre humide, feu sacré, Riders Guild guide les cœurs liés. Dents rustes, nos voix sculptent le ciel. Chaque victoire est un rituel, unis par la boue, le sang, la foi. Feeling.